La foule me fait peur et m'attire en même temps. C'est une sensation étrange. Elle gronde en bas de chez moi 3 soirs par semaine, de 22h dès la nuit tombée jusqu'à 4h du matin. Elle boit, bien serrée, physiquement soudée. Elle est une unité et plusieurs individualités à la fois. C'est bruyant parce que les individualités parlent ensemble. Je me demande ce qu'ils font, ce qu'ils se disent. Des choses intéressantes, des machins amusants, des conneries qui m'ennuieraient. Comment ils font pour être si nombreux alors que moi je suis tout seul? Les gens, les autres, ceux qui sont dans cette foule. Ils pensent que je suis un patron classe et que je peux descendre les rejoindre en n'importe quelle occasion pour parader et payer des coups avec le charisme fanfaron que l'on me connaît. Mais le masque a été brisé à grands coups de traumatisme. Il n'est plus. Et le patron classe est désormais nu. Il a peur de vous. Vous qui l'attend amusé, diverti, même fait chanter parfois. J'ai pas peur de diriger des équipes de travail, d'engager et de licencier. Mais sans mon costard, sans mon bureau et sans mon entreprise, c'est plus compliqué de t'affronter, foule inconnue. En dessous du masque se trouve un semi-cinglé borderline qui assure pas des masses. Et qui a pas envie d'imposer sa carcasse intellectuelle, qui a déjà abîmé tant de monde avant toi. Alors, foule inconnue, je fais comme toi, mais tout seul. La bière aussi fait glouglou et la musique fait de soin ici, dans la cellule préfabriquée. Petite cage d'hamster à taille humaine dans laquelle j'abandonne les tentatives de recoller les morceaux de mon masque brisé. Foule inconnue, voilà pourquoi tu me fais peur et tu m'attires. Tu es dangereuse car tu peux donner des idées noires de pas te rejoindre. Et en même temps, t'es attirante parce qu'on sait par expérience qu'il n'y a que toi qui puisse provoquer autant de plaisir. Malgré ça, je sais pas si un jour on se retrouvera. Je pense être toujours mal à l'aise à ton endroit. Tu sais, tu me fais peur et tu m'attires à la fois. Car ma petite mort, foule inconnue, c'est toi.